À quoi ça sert de dire je t'aime si j'ai jamais vraiment dit pourquoi? Parce que t'as su rester la même. Tu m'as sauvé tellement de mauvais choix. Parce que je sais, tu te sous-estimes. Tu ris trop fort et la pièce s'illumine. Tu fais des concessions sans les souligner. Héroïne de tous les dessins animés. Parce que t'avoues simplement quand t'as tort. Dis je t'aime à tes parents chaque fois que tu raccroches. Parce que c'est ton cœur qui choisit tes potes. T'arrives à me rassurer quand j'ai peur de la mort. Ton intelligence est pure, tu manipules personne. Quand on t'arrête dans la rue, tu discutes, jamais tu juges personne. Je pourrais chanter tous tes défauts. Tu rigoles et me tapes juste sur l'épaule. Parce que j'aime mieux quand t'es là. Tu me protèges et guides mes pas, Athéna. Jamais si profond que le noir de tes pupilles. Le noir de mon âme sera jamais si négatif que toi t'es lucide. Et des fois je suis stupide. J'oublie de te dire l'essentiel. Je sais que tu doutes de toi-même. T'as peur d'être normal, t'as peur d'être moyenne. Mais t'es pas dans le public. Cette fois t'es sur la scène. Et crois-moi je sais pourquoi je t'aime. 10 ans me le rappelle, j'ai jamais tout caché. J'ai jamais tout caché. Le noir de mon âme sera jamais si profond que le noir de tes pupilles. Le noir de mon âme sera jamais si négatif que toi t'es lucide.